Naturellement Parc, l'émission du Parc naturel régional de Lorraine. Cet été, partez à la découverte de la Lorraine avec un réseau d'adresses et de bons plans conciliant préservation de l'environnement, partage et lien au territoire. Pour vous guider et inspirer vos vacances, on vous propose 6 escapades éco-positives valeur parc naturel régional. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, vous êtes en Lorraine. Quelque part entre tourisme et saveur, je vous emmène à la découverte des étangs de la Chaussée. Ces étangs, ils sont situés au carrefour d'un vaste réseau de zones humides d'intérêt biologique majeur, labellisé Ramsar, au cœur des plaines argileuses de la Woëvre. Ils se déploient sur près de 350 hectares et constituent le joyau naturel de la partie ouest du parc naturel régional de Lorraine. Protégé par de nombreux labels et classé réserve naturelle régionale, ce territoire d'étangs abrite une multitude d'oiseaux rares, comme le butor étoilé, le busard des roseaux ou le héron pourpré. Beaucoup d'oiseaux migrateurs y séjournent régulièrement, ainsi qu'une flore exceptionnelle. Ils offrent aux visiteurs un paysage chaque fois renouvelé au gré de l'activité piscicole et des saisons. Pour apprécier toutes les richesses de ce site remarquable, mais extrêmement fragile, nous vous conseillons de vous faire accompagner dans vos activités. Fabrice André, guide nature Valeur Parc et certifié Calinat, est également photographe. Il vous donnera les clés de lecture pour apprécier cet écosystème. Bonjour Fabrice. Bonjour Élise, comment allez-vous ? Très bien. Qui de mieux pour nous guider à travers ce charmant petit paradis lorrain que vous, Fabrice ? Ancré on ne peut plus dans ce territoire, vous êtes un véritable pasteur de nature. Les côtes de Meuse, le lac de Madine, les étangs de la Chaussée et la belle vallée du Rudema sont un havre de paix, un réservoir de biodiversité. Ici, ces riches écosystèmes sont connectés par de nombreux corridors végétaux. C'est un paradis pour les passionnés de photographie que vous êtes. Décrivez-nous un petit peu vos activités. Alors, je travaille à APF France Handicap sur le poste d'éducateur technique depuis plusieurs années et j'anime plusieurs ateliers qui sont bien vertueux comme la renaturation des écosystèmes, une ressourcerie donc en menuiserie, donc on recycle du bois de palette, on fait des meubles pour mettre justement sur ces espaces naturels. Et donc, en double actif, depuis quelques années, je suis guide nature, photographe, qui a été formé par le Parc naturel régional de Lorraine, labellisé donc Valeur Parc, Calinat et Qualité Tourisme. Et je vais vers un label Handicap Tourisme, si je ne me trompe pas. D'accord, donc pour pouvoir accueillir aussi des personnes en situation de handicap. Oui, de par mon métier d'éducateur technique, j'ai l'habitude d'accueillir au quotidien ces personnes. Et comment partagez-vous votre passion de la nature et de la photographie ? Aux grands et aux petits ? Par plusieurs choses, des choses un peu ludiques, comme des expériences type Aventure Game. Donc ce sont des jeux qui sont basés un petit peu sur le Cluedo qu'on connaît tous. Donc il faut résoudre une énigme ? Voilà, par une prédation donc d'un petit animal qui a disparu. Ah. Bon, et c'est vraiment super attractif, les enfants comme les adultes ils prennent une grande joie. Oui, j'imagine. Et ces sorties, elles se font dans quel cadre ? Alors, on est en pleine nature, on doit trouver des indices, on est sur la Madine, sur le lac de Madine ou sur les étangs de la Chaussée ? Alors, on peut être sur les deux. D'accord. Alors, quand on est sur le lac de Madine, effectivement, l'espace est plus grand, il est accessible à un large public. Mm-hmm. Donc, on a un peu plus de... C'est un peu plus gaming, on va dire. Voilà, c'est plus dynamique. Et sur les étangs de la Chaussée, on est plutôt sur une zone un petit peu plus privative qui appartient à APF France Handicap, qui, elle, est renaturée. Donc, il y a un espace qui se rattache un petit peu à cet écosystème magnifique des étangs de la Chaussée, où là, je fais mon animation expérientielle et immersive pour vraiment rentrer en connexion totale avec la nature, par le jeu. C'est accessible à partir de quel âge ? Alors, c'est accessible à partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Jusqu'à 99 ans et plus. Et plus. Très bien. Mais vous ne faites pas que des sorties gaming, il y a aussi des sorties photographiques ? Oui, effectivement, je suis donc moniteur en double actif, moniteur en photographie et plus particulièrement en animalier. Donc, j'accueille et j'accompagne sur la sur les étangs de la Chaussée, un large public à la découverte de la photographie. Je dispose de cinq boîtiers, donc que je prête lors de mes activités. Et on démarre au tout début de la photographie jusqu'au perfectionnement. Donc je peux accueillir des débutants, des personnes qui ne connaissent pas la photographie et des professionnels. J'ai même formé des gens qui sont maintenant à leur compte photographes. Oh! Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, par exemple, quand on parle de photographie animalière? On va plutôt s'intéresser à l'avifaune, enfin aux oiseaux, ou c'est plutôt les amphibiens qui sont au bord des zones humides? Qu'est-ce qu'on va apprendre à prendre en photo? Alors, on va apprendre déjà à ne pas déranger, à respecter l'écosystème avec moi. C'est-à-dire que je suis là en tant qu'ambassadeur donc de ce secteur, et on va vraiment avoir une bienveillance sur la faune et la flore. Hein, c'est un contrat que j'ai avec le Conservatoire des espaces naturels pour vraiment accueillir et accompagner des personnes dans le plus grand respect et la quiétude de la faune et de la flore sauvage. On va plutôt parler d'écosystème et tout doucement on va se rapprocher des animaux qui y vivent. Hein, ça, on va parler de micro-habitat, de zones écotones, de ripisylves, tous ces micro-systèmes, écosystèmes qui peuvent accueillir des petites bêtes comme les libellules, comme des petits insectes ou alors des grands mammifères. On va passer du plus grand au plus petit. Exactement, voilà. On passera. Il faut savoir que sur un mètre carré, on peut voir plein de choses hein, qui sont assez exceptionnelles et remarquables, hein, même des orchidées, des marais, des papillons remarquables, très rares, même qui sont presque en voie de disparition. Surtout sur des zones comme les étangs de la Chaussée et le lac de Madine, toute la vallée du Rudma. C'est vraiment assez exceptionnel en termes de richesse faunistique et floristique. Oui, et tout à fait. Et ce qui fait aussi la richesse de mon activité en tant qu'ambassadeur, c'est que lors de mes activités, je propose des produits de bouche. Donc j'ai des partenariats avec des producteurs locaux. Chouette de la gourmandise. Voilà, tout à fait. Donc, où je travaille, on produit, on transforme le poisson donc de notre étang de la Chaussée pour en faire de la conserverie, donc de la terrine de carpe, avec de la salicorne intégrée, vraiment des produits très élaborés et à découvrir qui sont assez surprenants au palais. Et tout récemment, on a une productrice qui a de petites pépites de saveur issues de plantes sauvages, donc des confitures. Ça se rapprocherait plutôt de la gelée. Mais c'est gourmand ça. Donc gelée de coquelicots, d'aubépines, de roses sauvages, de sureaux, de menthe aquatique. Et alors, par exemple, à la fin d'une sortie, on fait une petite dégustation. Oui, à chaque sortie, on fait une dégustation. Donc je sers une boisson, souvent, actuellement, c'est de la poire sauvage, hein, issue de notre récolte sur les étangs de la Chaussée. D'accord. Donc ça fait partie des produits donc de l'ESAT. Okay. Et autrement la personne qui produit ces produits, elle est aussi à la Chaussée. Je veux dire les coquelicots, etc. Donc ils font. Alors il faut savoir que ces petites plantes là sauvages, elle ne les a pas tout le temps parce que c'est pas de la production, c'est de la récolte de plantes. Donc oui. Ça, c'est de la cueillette. Voilà, ils peuvent s'approvisionner assez rapidement. J'imagine. Effectivement, il doit pas y avoir un stock particulièrement étendu. Non, pas du tout. Alors, comment on fait pour vous contacter? Alors, pour me contacter, donc il y a mon numéro de téléphone, le 06 28 60 86, 50 60 86, et mon Facebook, Fabrice Guide Nature Photographe La Chaussée. Voilà, ça, j'ai aussi une adresse email, si vous voulez. Ah oh oui, c'est toujours pratique. Donc, l'adresse email, c'est fabrice.andre.57@gmail.com. Voilà, et comme ça, vous pourrez transmettre les dates de vos sorties, les différentes propositions pour les grands et les petits, et puis aussi toutes les bonnes adresses si on veut, à l'occasion d'une sortie, aussi pouvoir dormir sur place, voilà. Parce que l'intérêt de passer par un guide nature, c'est de découvrir l'environnement à son rythme, en le respectant, mais aussi de pouvoir avoir de bonnes adresses pour bâtir tout un séjour. Tout à fait. Merci Fabrice. Bonne journée à vous Élise, et puis à très bientôt. Non loin de là, la ferme de Michel et Delphine Sénners à Mars-la-Tour est installée au bord d'un cours d'eau bordé de beaux vieux saules où certains oiseaux profitent des cavités pour faire leur nid. Une mare sert d'abreuvoir aux animaux d'élevage et accueille la reproduction des amphibiens. De nombreuses haies abritent non seulement les oiseaux, mais aussi les abeilles, avec les ruches installées dans ce havre de biodiversité. Au loin, on entend déjà un air de vie méditerranéenne. Bienvenue à La Vida Locale, boutique du parc à Fresnes-en-Woëvre, où l'on peut savourer sur le pouce les tartines du terroir. Retrouvez toutes les bonnes adresses de cette escapade sur le site internet du parc naturel régional de Lorraine, www.pnr-lorraine.com.